C'est une étrange fatalité que nous devions éprouver tant de peur et de doute. Pour une si petite chose. Une si petite chose. N'importe quel point de suture ne peut rien faire. Pour ces plaies, c'est blessant. Lorsque brisé, jaillit le sang. Subit le sens de la vie lorsqu'épuisé. Vieillissant, réduit au silence. Puisqu'un moment, les battements s'estompent. Compartiment d'affection, d'infection. Si on se trompe, miroir des émotions. Ce temps foiré, les trahis. Suffit d'un mauvais regard ou de quelques mots pour le mitrailler. Mettre à l'eau, y aller, déclarer sa flamme. En d'autres mots, le donner à l'autre. Enfin, l'être qu'on idolâtre. Pas de plâtre comme armure face au fardeau, aux fractures mènent. Plus qu'on se déplace peut conduire à l'infarctus. Pompe à injection de sentiments. D'un jour réceptif aux gentils mots, mais plus sensible aux injures. Dans un geste de dévotion, je le touche, je l'ai sur la main. C'est sûrement l'émotion, mais parler en l'ouvrant est surhumain. Rassurez-moi, dites-moi ce qu'il marque, ce qu'il fait battre. Ce qu'il pénètre ou ce qui fait naître des sinistres. Tête brisée par ce qu'il embrase. Lorsqu'abusé par ce que t'embrasse. Et organe de l'orage. Puisque les coups de foudre y font rage. Il fait boum. Lorsque victime de l'équation. Toi plus moi égale amour. Passion, déception, droit dans le mur. Boum. Lorsque surgit l'exception. Tu tends l'oreillette mais ne prête pas attention. Ces fragments, ces fissures, ces craquements, éclats de sentiments, grand cœur lancinant, mais s'il est bien fort, tant y'a plus rien d'important.